Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 19 décembre 2016. Et voici tout de suite les grandes articulations. Le président de la République a ce matin lancé officiellement la télédiffusion numérique à la télévision nationale du Burundi qui portera désormais le nom de STNB aux sociétés de télédiffusion numérique du Burundi. Et la chambre de cassation de la Cour suprême en itinérance à Gitega a mis en délibéré le procès contre les présumés auteurs du coup d'État manqué du 13 mai 2015. Et la sentence est attendue dans un mois. Tous les 17 condamnés en première instance étaient accompagnés de leurs avocats, sauf le général Cyril Nairoukiye. Et les populations qui habitaient depuis des années le village de Kagaragara en commune Guihanga de la province de Bubanza dorment à la belle étoile depuis ce dimanche après leur expulsion de leur ménage situé sur la lisière de la réserve naturelle de Rukoko. Aucune explication ne leur a été fournie. Et trois pasteurs et deux fidèles du diocèse anglican de Muyinga ont été entendus ce lundi par un officier de police judiciaire. Des employés de cette église viennent de passer 7 mois sans être payés et cela crée un climat malsain. Enfin, l'Union des personnes handicapées réclame des quotas pour leur catégorie dans les recrutements pour emploi. Ils estiment qu'ils sont victimes de discrimination et le ministre en charge de l'emploi précise que l'on privilégie la compétence et qu'aucune loi ne prévoit de quotas pour cette catégorie de personnes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Inauguration ce lundi du réseau MAN, un réseau métropolitain dans la mairie de Bujumbura. Une occasion du lancement officiel de la télédiffusion numérique à la télévision nationale du Burundi qui portera désormais le nom de STNB au lieu de RTNB, Société de télédiffusion numérique du Burundi. Le président de la République, se réjouissant du pas franchi dans le développement, demande aux journalistes d'ouvrir plus d'espace médiatique en favorisant les politiciens ayant le souci de bâtir le pays. Placide Niyomongere. C'était l'avant-midi de ce lundi, lorsque le président de la République inaugurait le réseau de la fibre optique MAN, Metropolitan Area Network en anglais, à mairie de Bujumbura, basé dans la société de télécommunications Natel. Ce réseau facilitera une connexion ultra-rapide dans la connexion Internet. Et suivi le lancement officiel de la télédiffusion numérique à la télévision nationale, une immigration de l'analogie à la numérique. Salvatore Nizigimana, directeur général de la RTNB, bientôt STNB, Société de télédiffusion numérique au Burundi explique que les postes téléviseurs d'analogie seront fonctionnels après l'acquisition d'un convertisseur. Pour les détenteurs des anciens téléviseurs, ils pourront continuer à capter les émissions sur les mêmes terminaux, les mêmes téléviseurs, moyennant un décodeur spécifique qui ou bien pourra être acheté dans le marché, dans le commerce, puisqu'il y a des normes et l'ARCT, l'Agence de Régulation de Contrôle des Télécommunications, va veiller sur le respect des normes. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, compare cette nouvelle technologie de la télévision nationale à une honneve à laquelle il faut traiter avec beaucoup de vigilance et appelle les journalistes à œuvrer à bon cœur pour le développement du pays. On donne ce qu'on a, mais dans le cœur naissent quatre vérités, le bien et le mal, la vie et la mort. Cette roue nous mènera à de nombreuses réussites. De même, elle peut nous mener à de l'insurmontable. Nous obtenons cette technologie d'ailleurs que nous utilisions pour notre bien, pour développer notre pays. Les étrangers qui viendront se ressourcer au Burundi, ils verront comment les journalistes ont du cœur, où jaillissent le bien et la vie au Burundi. Au cours d'une émission à la télévision nationale, Pierre Nkurunziza demande aux journalistes de veiller aux éléments consécutifs. Quand il est temps d'accorder la parole, mettez en avant les mots qui construisent et qui ne détruisent pas les œuvres de toute la population. C'est pour cela que nous voudrons que vous, surtout journalistes, que vous distinguiez l'info qui construit de l'info qui détruit. Nous ne voulons pas détruire. Ce passage de l'analogie à la numérique à la télévision nationale a coûté 100 milliards de nos francs et ce projet est en train d'être réalisé par les sociétés chinoises dont Star Times et Huawei. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.